Déjà la bohémienne et les astres clairs annonçaient ton approche. Ô mon unique envie, ce sera ton grand amour, disaient les airs, et tu surgis des flots, ô merveille ravie. Si tu partages